nuit ou par du soleil, je te vois t'éclipser. Tu cherches ta lumière, la lune peut s'annoncer. Comme il avait sommeil, il s'est bel et bien couché. Lune allume ta lumière, regarde ma nuit toute bleue. Pleine lune, il était en lune de miel. Mon époux, mon bel amant, il est grand temps. Je suis tellement content, me fondre en toi dans ta nuit. Ma forme, ma couleur, je suis le seul, l'unique. Ton astre qui brille, tu es celle qui fait que je suis lune. Moi je l'aime, moi je l'aime. Moi je l'aime, moi je l'aime. Moi je l'aime. Moi je l'aime, moi je l'aime. Moi je l'aime, moi je l'aime. Je suis partout, je te suis lune dans ma vie. Moi je l'aime, moi je l'aime. Je l'aime, moi je l'aime, moi je l'aime. Je suis partout, je te suis lune dans ma vie. Moi je l'aime, moi je l'aime. Pleine.